Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition des musiques qui suintent intitulée Rainy Day puisqu'il a plu aujourd'hui et au lieu de rester rien foutre devant mon PC, je suis allé chercher 3-4 disques et je me suis mis à bosser, j'ai fait des maths les mecs. C'est quand même balèze en plein mois d'août de faire des maths. Et j'ai eu le bonheur de retrouver de bons vieux disques, soit des disques que j'avais oubliés, que j'ai quasiment jamais écouté, qui sont restés là sur mon étagère à Nîmes pendant que j'étais à Paris, et des disques issus de ma tendre enfance, des disques qui ont un peu formé mon goût musical sans que je le sache vraiment, et aussi mon jeu de batterie sans que je le sache vraiment. On va donc s'écouter aujourd'hui Suis la Lune, J-Russ et Daytro. Donc on va commencer par Suis la Lune, qui est le groupe quand même... Non, c'est pas le groupe le plus actuel, mais c'est un groupe actuel, puisqu'il est passé à Paris au Paris Brûle-t-il Festival. Ils ont fait une très très bonne prestation. Ce sont des Suédois quand même. Ils ont fait tout le trajet depuis la Suède pour venir au Paris Brûle-t-il. Et donc j'ai chopé ce disque, je sais plus trop où, si sur Musique Faire Satan, d'une manière assez assez approximative. Donc c'était sorti sur Ape Must Not Kill Ape Records, donc les fans des mots connaîtront ce label. Il faut connaître, c'est un truc hyper do it yourself, le site est tout pourri. Mais par contre il sort d'excellents disques, là j'en ai pas de mémoire. Mais je vais chercher ça pendant la chanson, je vais vous dire ça. Et donc cet album s'appelle Quiet Pull the Strings. À l'intérieur on peut voir des inscriptions totalement émo comme Fingers Voice Hurt. Donc voilà. C'est un peu ça, c'est que ça sort vraiment de l'intérieur par leurs doigts dans tous les instruments, par leur voix, et ça vient de leur cœur, donc voilà, Finger Voice Hurt. On va donc s'écouter une chanson qui s'appelle Finger Voice Hurt Shake Shake Shake, qui est un peu courte. On trouve des chansons plus ou moins courtes sur cet album, c'est vraiment livré, sorti du cœur entre guillemets, et c'est excellent. Donc Suis la Lune sur l'album Quiet Pull the Strings avec la chanson Fingers Voice Hurt Shake Shake Shake. Je viens de s'écouter Suis la Lune avec l'album Quiet Pull the Strings, donc je trouve ça franchement bon. Ils sont passés au Paris Brûle-t-il Festival, ils sont venus donc de Suède comme je viens de le dire, et c'était vraiment excellent. Ils sont vachement jeunes, donc ils avaient l'air assez timides sur scène, et ils avaient vraiment pas l'air de parler ni français ni anglais, donc tout ce qu'ils ont dit c'est thank you et c'est tout quoi. Mais ils avaient l'air vachement contents d'être là, et puis tout le monde était content de les voir, et apparemment beaucoup de gens connaissaient. Donc là il y a une chanson qui s'appelle Utter Silence is Fragile, que tout le monde connaissait, même moi, enfin franchement elle me parlait cette chanson. Donc je pense que si vous allez sur leur MySpace vous allez la trouver, je vous bien évidemment vous filer le lien sur le blog. Je me suis donc renseigné, Ape Must Not Kill Ape, c'est un label donc qui sort plein de petits groupes comme ça qui sont vraiment excellents. Donc ils ont quand même fait 47 sorties, ce qui est beaucoup pour un label underground. Il faut savoir qu'un truc comme Pure Pain Sugar est à, je crois, presque 14 ou 15 sorties. Level Plane est à Ah, une soixantaine, allez. Ouais, mais Level Bend, c'est américain, donc ça n'a rien à voir. Ebenezer Killay, par contre, c'est allemand. Ils ont sorti plein de petits trucs, donc comme Airbrush on Glass, Care ou Mr. Willis of Ohio. Ils ont sorti surtout un split que je veux trouver, c'est In First Person et Storm de Bastille, qui sont deux petits groupes, tout nouveaux, excellents. In First Person, ils ont fait un split avec Titan qui est génial, le vinyle est magnifique. Et on en parlera très certainement de ces deux groupes, Storm the Bastille et In First Person, dans les New and Fresh Part 2, bien évidemment. On va passer à J-Rus, un groupe qui a complètement bercé mon adolescence. J'avais trouvé ce scud sur Burnout, donc je ne sais plus si ça existe toujours, Burnout, mais bon, c'était quand même pas terrible comme mail order. Enfin, les disques étaient excellents, mais ils mettaient plus d'un mois pour arriver. Moi, je me souvenais plus de la commande que j'avais fait en recevant les disques. Donc, le scud s'appelle The Need to Change the Mapmaker. Et il est franchement bon. Donc, je sais pas si les plus fans de Do It Yourself apprécieront, parce que le son est quand même franchement travaillé. C'est sorti sur Skipworth Records, donc je pense que c'est un gros truc, sorti en 2004. Et donc vous verrez, c'est de l'émo avec de la double pédale, mais pour une fois je trouve que c'est bien utilisé, même si le son de la double est un peu trop surproduit. Je trouve que les compos sont bien et que ça reste honnête, même si le son l'est pas vraiment, quoi. Donc on va s'écouter Cut the 6 Minute Caller, donc j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, de J-Rus sur l'album The Need to Change the Mapmaker. We'll be right back. On vient donc de s'écouter un petit coup de J-Ruzz, donc je fais ça vraiment à la bonne Franquette Henriette. Je suis allé voir sur internet à l'instant, donc J-Ruzz n'existe plus depuis 2007. Ils ont rendu l'âme, je crois qu'ils étaient assez contents de rendre l'âme, et ils ont créé un nouveau groupe qui s'appelle Papillon, donc ça, j'ai écouté ça en 3-4 secondes. Ça a l'air franchement moins en place déjà, puisque ça existe depuis pas très très longtemps. Il y a un titre démo sur leur MySpace qui est bon, pas terrible terrible. Par contre, ils ont laissé des morceaux sur le MySpace dont j'ai jamais entendu. Et j'irai m'y repencher parce qu'ils ont le son a l'air beaucoup plus naturel que ce que vous venez d'entendre. Mais ce que vous venez d'entendre, j'aime beaucoup. Alors il y a un truc rythmique qui est assez intéressant sur cette chanson. Et qu'on retrouve partout, j'ai un peu la flemme de me mettre à ma batterie pour expliquer ça, mais c'est tout con en fait, c'est quand on mélange du ternaire et du binaire, c'est toujours la même histoire en fait. Quand on mélange du ternaire et du binaire, ça crée une espèce de déséquilibre rythmique, mais ça reste, ça reste toujours en place. Donc c'est déséquilibrant et équilibré en même temps, donc c'est intéressant. Donc par exemple, si le rythme est là, que vous entendez très très bien, même un peu trop, et que je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et c'est ça qu'il fait en fait, il met juste 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, donc là je suis en alternance sur le temps, pas sur le temps, contre temps, c'est assez étrange. Vous pouvez vous amuser à le faire en fait avec une feuille de papier, vous mettez un point tous les deux carreaux par exemple, et sur chaque carreau vous mettez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et vous verrez que ça fait un truc intéressant. Voilà. Alors là par contre, on va venir à un disque qui est merveilleux. Donc voilà, j'ai le Jewel Case en main, il tient plus du tout debout tellement j'ai écouté et baladé ce truc. C'est le tout premier, je sais pas, en tout cas un des premiers albums de Daytro, qui s'appelle Décembre, je me consume. Pas beaucoup de gens le connaissent en fait. Et le packaging est tout blanc, donc c'était Alchimia qui avait sorti ça à l'époque, un label, cinquième disque de Alchimia, un label lyonnais, qui a disparu je crois d'ailleurs à l'actuel. Disque tout blanc, tout épuré, donc juste avec un petit oiseau sur la pochette, à l'intérieur des petites fleurs, et sur le disque, donc rien du tout, argenté, enfin comme un disque, avec un petit oiseau blanc, et Descendre je me consume, écrit à l'intérieur. Donc il est assez court, je crois qu'il fait une vingtaine de minutes. Il y a 7 chansons, et c'est vraiment excellent, ça a plus trop rien à voir avec ce qu'ils font maintenant. Donc j'ai eu la chance de les voir en concert à Paris au Hideout, qui est un endroit minuscule, on devait être une cinquantaine de personnes dans un truc, moins de 20 mètres carrés quoi, le truc. Vraiment, on a été quichés contre le guitariste pendant tout le concert, il fallait qu'on empêche la foule de tomber, on faisait les videurs en fait, de tomber sur la batterie, et voilà, là, sur la fin du concert, le guitariste, le chanteur, on slamait tout en chantant et en hurlant. C'était excellent, quoi. Donc leur actualité, c'est le split avec Zenon Sasiata, bien que ce soit pas super super new, mais fraîche quand même, donc peut-être que je vous en passais, c'est vachement bien joué et tout, c'est quand même un son vachement do it yourself, qu'on retrouve pas là. Là, il y a plein d'interludes très mélodiques, vous allez l'entendre sur ce titre, et plein de passages hyper rapides et hyper chaotiques, donc un peu à la Mia Edrich. Je sais pas si vous connaissez ce groupe. Des Novali ressort l'album l'un sans l'autre sur un superbe vinyle, j'ai envie de me l'acheter. Si vous connaissez pas Mia Edrich, allez-y, courez-y, même si c'est mort, allez-y. Le chanteur est dans Céleste à l'heure actuelle. On va donc s'écouter Daytro avec la chanson Mon Insomnie sur l'album Descendre, je me consume. ma seule voix protégée. Promets-moi de ne jamais m'oublier. Promets-moi de ne jamais m'épargner. Promets-moi de ne jamais m'oublier. Promets-moi de ne jamais m'épargner. Promets-moi. On vient d'écouter les excellents Daytro sur l'album Descendre, je me consume et le titre Mon insomnie. Donc je vais en finir avec Mia Edrich. Donc le chanteur est à l'heure actuelle dans Céleste, comme je disais. Donc Céleste c'est beaucoup plus métal, c'est beaucoup plus sombre. Donc par exemple les albums, l'album précédent s'appelait Pessimiste, le nouveau s'appelle Nihiliste. Ils ont fait une chanson qui, enfin, dans le titre, et pour moi l'un des titres préférés, c'est Et quoi qu'il advienne, tout est à chier. Donc voilà, c'est vraiment c'est tout un programme, donc ça vous annonce un peu l'ambiance de ces disques. Le dernier est beaucoup mieux que le premier. Le premier était vraiment dépressif et ça en devenait chiant quoi. Le nouveau est beaucoup plus métal et il y a vraiment des trucs hyper gras mais hyper groovy quoi. On est vraiment à la limite entre I Hate God et un fameux groupe qui n'est pas connu, c'est Lisabo. Qui est un groupe d'émo basque que le chanteur adore. Et ça ressemble malheureusement beaucoup à Mia Edrich. C'est plutôt Mia Edrich, à mon avis, qui a copié sur Lisabo. Mais bon, on va pas rentrer dans cette discussion. Donc Lisabo c'est très bon. Ça chante en basque en plus, donc c'est à écouter une fois dans sa vie. Et Mia Edrich partage avec Daytro le batteur. Un excellent batteur que j'ai eu la chance de voir en live. C'est pour ça qu'il y a un certain lien de parenté entre ces deux groupes, et c'est pour ça que sur ce premier album, le chanteur de Daytro reprend, scande ces deux mots, et pourtant, qui est un grand tube de Mia Edrich. Et donc là, premier vrai titre de l'album, c'est Et pourtant, donc c'est vraiment extraordinaire. Cette émission touche à sa fin, donc on se fera, ne vous inquiétez pas, je pense, quelques New and Fresh. De toute façon, je pense à New and Fresh Part 2 et à Johnny Landscape Part 2. Donc Johnny Landscape, je pensais parler du classique T-Maker, parler du classique Nadja. Nadja, je vous passerai un titre qui est pas très très connu, qui vient de sortir sur Skin Turns to Glass, mais pas grand monde là sur Scud, donc... Je pense que vous allez découvrir quelque chose. Et I Am Sea Monster, qui malheureusement vient d'être sold out sur My Own Salvation. Donc bon, je vous le passe quand même parce que c'est excellent. Mais vous aurez du mal à vous procurer ce disque-là. Et puis ne vous inquiétez pas, Underground Zero va reprendre du service. Et je serai très certainement de la partie. Alors ouvrez vos oreilles et protégez-les bien.